Chapitre 20e. Amadoué le dragon. Maître Vérel sembla retrouver d'un seul coup tout son empire sur lui-même. C'est d'une voix tranchante qu'il répondit. « On ne peut plus froidement. » Il était en voyage à Taïwan. Il devait inaugurer une usine quelques jours plus tard, et il m'a assuré qu'il ne pouvait en aucun cas changer ses plans et que je n'avais qu'à m'en occuper. De vous à moi, j'ai trouvé son attitude des plus déplacées, mais que pouvais-je faire? Je n'avais strictement aucun pouvoir pour le faire revenir. Nous étions cependant une bonne quarantaine de personnes à l'enterrement de Marion, car toute sa classe avait tenu à lui rendre un dernier hommage. Ainsi, ce fut un peu moins glauque. Je me souviens que de très beaux poèmes ont été lus. C'était une jolie cérémonie. Pourriez-vous par hasard me communiquer le nom des personnes présentes? Je peux au moins vous en donner un, Aurore Fèvre. Elle a été très marquée par le meurtre de Marion. Il serait peut-être bon de la voir, car pour ce que j'en sais, elle a toujours beaucoup de mal à reprendre pied. Aurore Fèvre connaissait toutes les amies de Marion. Elle pourra certainement vous être utile. C'est une fille gentille qui aimait sincèrement Marion. J'aurai également besoin de la liste des établissements où Marion a étudié. Il y en a deux, mais en fait un seul est susceptible de vous intéresser. Il s'agit de la pension Soulègue à l'Arbre à Lausanne, un établissement privé très réputé, dans lequel Marion se sentait plutôt bien. Mon assistante vous communiquera l'adresse. Si vous pouviez m'éclairer sur un point, pourquoi a-t-elle voulu rentrer en France? Pour la première fois de l'entretien, Maître Vérel parut gêné. C'est qu'en fait, tout s'est bien passé jusqu'en seconde, mais je crois qu'elle en avait marre d'être pensionnaire. À ce que j'ai compris, sa chambrée ne brillait pas par sa propreté, et Marion ne voulait plus nettoyer derrière les autres. Cependant, pour être tout à fait honnête, il n'y avait pas que cela. L'éloignement lui pesait de plus en plus. Naturellement, elle se rendait une fois ou deux par an sur la tombe de ses parents, mais j'ai senti au fil du temps que ses racines lui manquaient. Pour la première fois, j'ai décelé une vraie détresse chez Marion, raison pour laquelle je lui ai proposé de venir étudier à Paris. Elle a quitté la Suisse au moment des vacances de Noël. L'inscription dans le nouvel établissement avait été faite, et tout s'est si bien passé que Marion n'a même pas dû redoubler sa seconde. Elle s'est très bien vite faite à sa nouvelle vie. Elle était absolument ravie d'avoir son appartement, même si je lui avais bien recommandé d'en parler le moins possible. Je ne voulais pas créer de jalousie inutile. Marion a parfaitement respecté le contrat. Naturellement, je la visitais régulièrement afin de voir comment les choses se déroulaient. Et je dois dire qu'en dehors du fait qu'elle ne semblait pas décidée à s'installer vraiment, tout allait pour le mieux. Les relevés de notes étaient excellents. Le bac ne fut qu'une simple formalité. Comment a réagi Jean-Jacques Mousseron quand vous lui avez demandé l'autorisation de louer un appartement pour Marion? Eh bien, tout d'abord, il a tiqué, naturellement. Il trouvait Marion beaucoup trop jeune pour avoir son propre logement. Mais il a fini par céder face à mes arguments. La seule contrepartie qu'il a exigée était que l'adresse de Marion ne devait jamais être communiquée à Josette Roset. Comme il me semblait que cette demande était plus que raisonnable, je me suis gardé d'informer celle-ci du retour de Marion. Un dernier point, avant de vous quitter. Que sont devenues les affaires de Marion? Elles sont au garde-meuble en attendant d'être revendues. Il faudrait que j'aille faire un tour. Je me tiens à votre disposition, bien que je ne vois guère ce que vous pourriez trouver. Sait-on jamais? Maître Vérel reconduisit courtoisement du tilleul et le laissa au bon soin de son assistante. Celle-ci était une femme d'une cinquantaine d'années, très collet montée, visiblement très jalouse de ses prérogatives. Elle devait être à ce poste depuis longtemps et tenait à le faire savoir. Elle apostropha Maître Vérel assez sèchement. « Maître Rivagnac a déjà appelé deux fois. » Maître Vérel, qui avait dû trouver le Cerbère dans la place, ne jugea pas nécessaire de répliquer. « Madame Giraudet, vous communiquerez au commissaire du tilleul les coordonnées d'Aurore Fèvre et de l'Institut sous les Galabres. Quant à Rivagnac, dites-lui que je suis en route. » Du tilleul nota au passage qu'il ne lui souhaitait même pas un bon appétit, signe que les relations devaient être assez tendues. Madame Giraudet mit un certain temps à communiquer ces deux informations à du tilleul, mais celui-ci n'en avait cure. Il était assez satisfait de l'entretien qu'il venait d'avoir, car celui-ci ne manquait pas d'intérêt. C'était toujours le cas quand on était devant un grand professionnel comme Maître Vérel. Il s'éclipsa discrètement après avoir reçu un papier à demi chiffonné. Ce pouvait être d'autant plus intéressant d'entendre cette Aurore Fèvre que Gravard n'avait guère fouillé de ce côté-là. Pourquoi celui-ci n'avait-il pas jugé nécessaire d'approfondir les choses, par peur de perdre un temps précieux? Comme la demie de midi était largement dépassée, raison probable de l'ire du dragon qui tenait lieu d'assistante à Maître Vérel, dont il avait dû involontairement retarder le déjeuner, Dutilleul alla s'acheter un sandwich et deux desserts dans une boulangerie qui se trouvait non loin de l'étude. Pour une fois, il délaissa son sacro-saint jambon-beurre au profit d'un poulet crudité, et prit de tartes aux pommes qui semblaient des plus appétissantes. La vendeuse le servit avec amabilité. Elle aussi semblait dans la place depuis des années, mais elle n'en jouait pas pour autant les douairières. Il prit son temps pour revenir au bureau. Le ciel était bleu et il ne faisait pas trop froid. Il devait voir Grabard, même entre deux portes. Quand il s'en revint, Dutilleul se félicita de voir que Patricia Martineau n'était pas encore partie déjeuner. Il savait très bien pourquoi. Elle l'avait attendu. Il lui présenta la tarte aux pommes. « Vous me nourrissez à présent. Je crois que c'est une première. Il faut un début à tout. Méfiez-vous, monsieur. Je pourrais vite m'y habituer, d'autant qu'elle a l'air délicieuse, cette tarte. C'est bien sûr le risque. Mais je me sens d'humeur aventureuse. Cependant, si vous n'y voyez pas d'offense, je me la réserve pour tout à l'heure. » Puis Patricia Martineau ajouta, mine de rien, « Comment s'est passé votre rendez-vous avec Maître Vérel ?»« Bien, très bien même. Je ne pense pas avoir perdu mon temps, même si son assistante gagnerait à être plus aimable. Le genre dragon. Pire, je le rangerais dans la catégorie « vieux dragon aigri ». Celui que vous pourriez devenir dans quelques années si je n'y prends pas garde. Je comprends mieux cette faveur soudaine. Vous cherchez à m'amadouer avec une banale tarte aux pommes, je me disais aussi. Cependant, je vous préviens, à titre tout à fait amical, cela ne suffira pas. Vous vous transformerez alors en gros dragon aigri, bien dressé sur vos ergots et crachant le feu à la moindre sollicitation. Le portrait n'est certes guère flatteur, mais qui puis-je ? De plus, n'est-ce pas notre lot, à nous autres femmes, de s'arrondir avec les années ? Dutilleul sourit sur ce dernier propos. En parlant de s'arrondir, c'est notre ami Michonnier qui a littéralement fondu. Sans blague, répondit Patricia Martineau sincèrement surprise. Je ne l'ai jamais trouvé très soucieux de sa ligne. Cela lui va comment ? Pas mal du tout, il semble rajeuni. Y aurait-il un jupon là-dessous ? Figurez-vous que je me suis posé exactement la même question. Mais apparemment pas. En revanche, Agathe se marie sous peu. D'ailleurs, si vous poussiez la bonté jusqu'à organiser un dîner en fin de semaine, vous auriez droit à ma reconnaissance éternelle. Patricia Martineau sembla soudain se consulter. À la réflexion, tout dépendra de la tarte aux pommes. Et telle que je vous connais, je vais devoir réserver chez Marie, ce qui implique un effort supplémentaire de ma part. Chez Marie était sans doute le restaurant préféré de Dutilleul. C'était un petit troquet qui ne payait pas de mine, mais dont la cuisine traditionnelle, et notamment la tarte tatin, était un véritable régal pour les papilles. Le restaurant était tenu par un couple que Dutilleul avait rencontré dans des circonstances particulièrement tragiques. Depuis, Dutilleul était plus un ami de la famille qu'un client ordinaire, et pour peu qu'il prenne la peine de prévenir, il savait que l'on parviendrait toujours à lui dénicher une table. Michonnier connaissait l'endroit et l'appréciait. Ce serait l'occasion de passer un bon moment en toute tranquillité. « Patricia, je deviens trop prévisible. C'est bon, je fais la réservation aujourd'hui. Pendant que nous y sommes, proposez donc l'invitation à Henri. Je suis sûr que cela lui fera plaisir. Dites-lui que je le ramènerai chez lui au besoin. » Patricia Martineau feignit alors de se raviser. « Bien sûr, si M. Castex est de la partie, je m'incline avec toute la grâce dont je suis encore capable. Autre petite chose, avant de vous laisser en tête-à-tête avec votre tarte, savez-vous si Gravard est dans le périmètre ? Aucune idée, monsieur, mais je peux toujours me renseigner. Oui, je le veux bien. Enfin, mais cela peut attendre votre retour de déjeuner. J'aimerais que vous contactiez une certaine Aurore Fèvre, dont voici les coordonnées arrachées de haute lutte au dragon. Voulez-vous que je la convoque ? Non. Dites que je passerai la voir. Essayez juste de m'avoir un rendez-vous aujourd'hui, même en fin de journée ou demain matin, si ce n'est pas possible. Je vais faire de mon mieux, monsieur, malgré l'avenir guère flatteur que vous me prédisez. J'appelle monsieur Gravard. S'il vous plaît, vous me le passerez dans mon bureau. C'est entendu.